soir, on a été accroché par des gars du FN, de FLN, j'allais dire du FN ici, du FLN, et ils étaient déguisés en femmes. Alors, ils étaient déguisés en bouquets. Alors, évidemment, quand vous voyez des bouquets, vous ne vous souciez pas du danger. Et c'est au moment où on est passé à une cinquantaine de mètres d'elle, ils ont ouvert le feu. Et évidemment, ça a été sauve qui peut, chacun d'un côté, dans un trou, derrière un mur. On a été vraiment pris en handicap. Vous avez eu